C'est n'importe quoi ce que je dis. Ce qui voulait vous béli béli ba ouéla, qui ou qu'elle est bien en soubi dans ton ski, y'a qu'elle a pu mal aux aussi passé, la paille à tolo ni nani la, hé aïe la comme un tija, hé pom pom, ce qui pour le boum, ce qui d'un pam pam, son béli béli béli boum bam ba, chaque béli béli béli boum papa, ce qui souk béli béli bam bam, ouéla.